L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Le spectacle Cross, je le dis avec mon franglais habituel, ou la fureur de vivre. Un texte de Julie Rossello-Rochet, une mise en scène de Lucie Rébéret. Elles ont l'une et l'autre co-créé la compagnie La Maison. Spectacle qui lui-même a été créé en 2015 à la Comédie de Valence, qui n'est autre que le Centre Dramatique National Drôme Ardèche. Voilà pour les présentations. À l'affiche, à l'apostrophe, très prochainement, puisque c'est au mois de décembre, à l'apostrophe Théâtre 95, je précise, au Théâtre 95 à Cergy, je me corrige de même. C'est un spectacle pour le tout public à partir de 9 ans, et donc deux représentations tout public, le mardi 5 décembre, le mercredi 6 décembre à 20h30, et une série de représentations pour les scolaires, sur le temps scolaire, du 5 au 8 décembre. J'ai le plaisir d'avoir au micro Lucie Rébéret pour nous parler de ce spectacle. Spectacle qui a une origine, ai-je lu dans votre dossier de presse, l'envie de travailler sur la confiance en soi avec de jeunes adolescents. C'est ça le déclic, le départ de l'écriture. Oui, tout à fait. En fait, on a créé ce spectacle dans le cadre des controverses de la Comédie de Valence. Donc, il s'agit d'en fait une commande faite à des artistes, une autrice, Julie Rossello-Rochet, et moi-même, metteur en scène. Et en fait, c'est Richard Brunel, donc le directeur de la Comédie de Valence, qui nous a proposé en 2015 cette controverse. Et en fait, une controverse s'articule autour d'une question de société. Et cette année-là, Richard nous a parlé de son envie de travailler sur les 10 commandements. Donc nous, on a essayé de tirer le fil, de se dire, alors les 10 commandements, qu'est-ce que ça nous inspire, etc. Et très vite, Julie a eu envie de travailler sur la confiance en soi, enfin la foi en soi, la confiance en soi, en soi. Et en fait, on savait qu'on avait une semaine de résidence dans un collège en Ardèche, le collège Duchélard. Et l'idée, en fait, ça a été très vite de poser la question du harcèlement scolaire. C'était suite à la lecture d'un article de presse où je lisais qu'une jeune fille qui avait subi du harcèlement scolaire s'était suicidée. Et du coup, on a articulé vraiment le spectacle autour de cette question de la confiance en soi liée au harcèlement scolaire. Donc voilà. Il y a eu cette résidence d'artiste dans un collège, une véritable immersion. Complètement, ouais. Avec les deux comédiens, Pierre Cuc et Luca Petit-Aborelli et Julie, on dormait dans le collège pendant une semaine et on répétait la journée, on a rencontré ses élèves, on a créé des vidéos avec eux qui se retrouvent sur le plateau du théâtre. Donc voilà, on est parti de ça. Avec un constat ou une vérification d'un constat, ce qui est que cet âge-là, quand on est collégien, collégienne, c'est un âge où tout est fragile, de fait, c'est pas nouveau. Mmh. Et en même temps, on a vu qu'au fil du temps, il y a de nouvelles formes de violence qui apparaissent aujourd'hui. Si on parle de cyberharcèlement, on pense tout de suite aux menaces et aux insultes qui peuvent en arriver à la mort, comme vous décriviez au niveau des faits divers qu'on a entendus ces dernières années en France. Il est question donc de cyberharcèlement dans ce spectacle ? Oui, le cyberharcèlement, c'est venu dans un deuxième temps, effectivement. Ce qui est assez flagrant, ce qui nous a intéressé dans le cyberharcèlement aussi, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus pernicieux, encore plus pernicieux, parce que avant le harcèlement scolaire, on quittait effectivement le collège, on claquait la porte de la maison et on retrouvait une espèce de sécurité, ou en tout cas à la maison. Maintenant, le cyberharcèlement arrive jusque dans le lit, en fait, du collégien ou du lycéen d'ailleurs, puisque le téléphone portable est dans la chambre, puisque l'ordinateur, Facebook, les réseaux sociaux arrivent et donc la violence est permanente. La violence est permanente. Et du coup, on a choisi dans ce spectacle de l'espace, en fait, de Cross ou la fureur de vivre, c'est la chambre de notre collégienne qu'on a choisie, qui s'appelle Blake, pour montrer effectivement que cette violence qui naît au collège s'insinue, arrive jusque dans la chambre à coucher. Et donc, de tout temps, la nuit, le jour, en permanence. Voilà. Quand j'ai lu le prénom de Blake, je me suis dit, sans avoir lu le dossier de presse, je me dis, est-ce qu'il y a un rapport avec William Blake ? Oui. Et il me semble savoir que c'est aussi un point de départ de votre travail sur, dans le dossier, on découvre le décalogue de William Blake qui a mis en rappel, juste dire qui il était, William Blake. Alors, c'est un poète anglais. Effectivement, ça, c'est vraiment un choix de Julie. C'était pour le décalogue, évidemment, en lien avec les 10 commandements aussi, donc la commande de Richard Brunel à la base. Et c'était aussi pour tirer le fil. Et ça permettait à Julie d'avoir des images poétiques qui traversent la pièce, puisque Julie, on parle d'un fait social qui est le harcèlement scolaire, mais il y a dans son écriture toujours une espèce de... comme ça, d'envolée lyrique. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Jean-Paul Wenzel tout à l'heure, dans le sens où on est sur un théâtre récit qui va glisser, un théâtre récit avec beaucoup d'images oniriques, comme ça, et on va glisser dans des situations, on va glisser dans un théâtre joué. Et d'ailleurs, j'ai fait le choix, du coup, d'inviter pour raconter cette histoire deux comédiens et pas une comédienne qui jouerait Blake, qui a 12 ans et demi, ou une enfant qui... L'idée, c'était vraiment donc d'avoir ces deux comédiens comme porteurs, en fait, des mots de Julie, de l'histoire, et qui peuvent jouer tous les personnages, le proviseur, les parents, mais aussi Blake elle-même. Voilà, et pour... aussi raconter que le harcèlement scolaire peut arriver à tout le monde. Donc ça peut être vous, ça peut être moi, ça aurait pu, voilà. Et qu'on n'identifie pas Blake. Blake n'a pas existé, n'existe pas, mais c'est la figure, en fait, de tous ces collégiens qui subissent ces violences. Dernière chose sur William Blake. Il affirmait, parce que je pense que ça résonne bien dans votre création, il affirmait que pour trouver la joie que nous portons en nous, il suffit de nettoyer les fenêtres de la perception. Oui. C'est fort comme image et comme idée. Oui. Alors, l'histoire, effectivement, est celle de cette jeune adolescente. Elle a pas encore 13 ans et il va se produire à un moment, une semaine cruciale dans sa vie qui va commencer. C'est un peu ça le sujet même de la pièce qui sera présentée sur scène. Oui, en fait, elle a 12 ans et demi et avec l'accord de ses parents, elle demande, parce qu'on a le droit de se créer un profil Facebook qu'à 13 ans, dans la loi, c'est ça. Et puis elle triche un peu sur sa date de naissance, avec l'accord de ses parents, elle se crée un profil Facebook et elle flâne sur la toile et là, elle tombe sur une photo de Mylène, une fille de sa classe qui traîne avec d'autres filles et elle like cette photo. Et suite à ce petit like, on voulait vraiment que ce soit un tout petit clic, un tout petit geste, elle va commencer... de façon complètement gratuite, à recevoir des insultes, des commentaires. Et le premier commentaire, c'est « Dégage, t'as rien à faire là, de toute façon, je t'aime pas. » Et suite à... Et donc d'abord, c'est de l'ordre de l'écrit. Puis, évidemment, ça se traduit dans les couloirs du collège, mais aussi dans les vestiaires du collège, en salle de classe, jusqu'à revenir à la maison, donc toujours par les réseaux sociaux. Et donc, c'est effectivement, la pièce se déroule du dimanche au dimanche, parce qu'on voulait un temps aussi très collégien, où la semaine structure la vie de ces adolescents qui, tous les jours, font le même trajet pour aller au collège, qui sont rythmés par les sonneries de chaque heure de cours. Donc, comme ça, c'est une structure très, très, très rigoureuse qu'a proposé Julie et qui se retrouve au plateau. Et la violence comme ça qui se met enfin qui grossit, c'est aussi comment ces deux comédiens vont se lancer dans cette semaine, tels des sportifs, pour essayer de maintenir Blake avec la tête hors de l'eau, pour essayer qu'elle avance toujours et qu'elle essaie de s'en sortir et montrer cette fureur de vivre et de course. Il y a un rythme ouais. Soutenu pour le complètement. Pour le coup. Ouais, complètement. Ça s'accélère très très très très fort jusqu'à la course et qui n'est pas forcément une fuite d'ailleurs. Mais... On est entre fiction et réalité. Entre fiction et réalité, alors non, c'est que de la fiction, dans le sens où ce sont deux comédiens qui pareil, il n'y a pas de travail psychologique, au sens où c'est pas ce rapport de jeu-là, ils portent vraiment cette histoire. Ensuite, en revanche, la réalité, moi j'avais envie aussi qu'il y ait une ouverture sur le monde réel, donc retrouver des visages d'enfants. Et lors de cette, on parlait de la résidence qu'on a faite en Dromardèche au collège du Chélard, en fait on a tourné des films avec des collégiens des sixièmes, en fait, avec deux classes de sixièmes. Et donc c'est des visages d'enfants extrêmement concentrés qui vont prendre la parole aussi un moment dans le spectacle. Et donc effectivement, oui, il y a un aller-retour entre la fiction et la réalité, si vous voulez, dans le sens où on a ces visages en grande concentration d'enfants qui vont soutenir aussi les comédiens et soutenir Blake. Voilà, et ces visages d'enfants, d'ailleurs, peuvent aussi représenter Blake. Enfin, ça démultiplie encore. Il n'y a pas d'identification. Il n'y a jamais de bonne raison pour être harcelé. Donc, c'est, on démultiplie la victime. Il y a les deux comédiens, mais il y a une voix aussi qui incarne, en quelque sorte, celle de Blake, ou pas ? Alors, non, elle incarne pas... la voix off qu'il y a dans le spectacle, effectivement, en fait, ça, c'est chaque début, je reviens sur l'idée de la semaine, en fait, chaque début de journée, on a beaucoup travaillé avec les collégiens sur leur marche, à partir du moment où ils claquent la porte de leur maison jusqu'à arriver devant les grilles du collège. Des rituels, quoi. Voilà, une sorte de rituel. Et il y a une voix off, effectivement, dans le spectacle, chaque début de journée où Blake s'en va au collège, comme une espèce de petite personne sur son épaule qui voit tout ce qu'elle voit, et on suit comme ça cette espèce de marche jusqu'au collège. Donc c'est comme, enfin je sais pas, pour moi c'est un peu la marraine de Blake ou quelque chose comme ça qui l'accompagne jusqu'au collège. Cross ou la fureur de vivre, to cross, traverser, la traversée, c'est pas la traversée du désert, c'est une forme de traversée presque au péril de sa vie, telle qu'on parle aujourd'hui du harcèlement à l'école, du cyberharcèlement. Il s'agit d'une traversée vulnérable entre deux âges, celui de l'adolescence pour aller vers l'âge adulte. Ouais, complètement, c'était un peu ce titre, c'était pour raconter effectivement cette période de la vie très fragile, et puis avec le harcèlement, bah, pleine d'embûches aussi. Mais c'était aussi pour raconter que ça avance toujours. Et moi, je pense souvent à ce cross qu'on fait au collège, justement, ces courses où, en sport où il faut aller jusqu'au bout. Et l'idée, c'est vraiment pas un spectacle, je crois, c'est un spectacle qui défend la fureur de vivre de cet âge-là aussi. Et comment on redresse la tête, et parfois, on n'y arrive pas. Mais quels sont alors, dans le spectacle, on essaie de mettre en lumière des possibilités de s'en sortir. On n'en donne pas une, il n'y a pas de solution, à part celle de peut-être prendre la parole, le dire, en parler. Et on donne des possibilités comme ça de prendre la parole. Donc, on met en lumière, voilà, des possibilités de s'en sortir. Et je crois que c'était ça l'idée du cross aussi, c'est de toujours chercher des issues de secours, quoi. L'idée aussi qui est présentée d'ailleurs dans ce même dossier de presse, pour non pas expliquer mais pour, on va dire, nous inviter à comprendre effectivement l'écriture et l'idée même de ce spectacle, To Cross, traverser nu de l'âge enfant à l'âge adulte, naviguer en haute mer, s'élever si haut à arracher le soleil avec les dents, puis tout à coup redescendre 6 000 lieues sous terre. Disons, et un peu plus loin dans le texte, à la fin même, disons que Cross serait une fête. C'est vrai qu'on a du mal un petit peu à saisir, et pourtant, la fête, vous dites en tout cas dans le texte, la fête de la force de vie des adolescents, leur capacité à inventer l'avenir. Ça donne plus qu'une lueur d'espoir, tout ça. Oui, je crois que j'aime aussi le théâtre qui exprime de la joie, et je crois que c'est important de parler de choses graves jusqu'au suicide adolescent. En fait, on en parle dans le spectacle, on n'évite pas le sujet, mais c'était important que ça invite à la parole, en tout cas, ce spectacle. Et d'ailleurs, après chaque représentation, il y a ce qu'on appelle un bord plateau, une rencontre. C'est pas un débat, c'est juste une rencontre pour donner la parole, pour donner envie de partager. Et pour moi, le théâtre, c'est aussi ça, c'est des allers-retours. Enfin, pareil, il n'y a pas de quatrième mur dans ce spectacle. C'est vraiment un dialogue entre la scène et le public. Donc, ouais, cette fureur de vivre, c'était, je crois que Pierre et Luca, les deux comédiens, la portent et essaient de la transmettre pour que, voilà, pour que ça s'exprime et que ça éclate. Merci Lucie Rébéré, Pierre Cuc et Luca Petit-Taborelli pour les deux comédiens, sur un texte de Julie Rossello-Rochet, Cross ou la fureur de vivre. C'est à découvrir sur scène le mardi 5 décembre ainsi que le mercredi 6 décembre à 20h30, à l'affiche donc de cette saison de l'apostrophe, mais le spectacle présenté au Théâtre 95 à Cergy. Spectacle qui s'adresse au jeune public à partir de 9 ans, mais au tout public, car c'est des sujets qui nous concernent tous, tout particulièrement quand on est également parents. Merci à vous.